Chapitre 32e. Depuis son arrivée au lac Tchad, le Victoria avait rencontré un courant qui s'inclinait plus à l'ouest. Quelques nuages tempéraient alors la chaleur du jour. On sentait d'ailleurs un peu d'air sur cette vaste étendue d'eau. Mais vers 1 heure, le ballon, ayant coupé de biais cette partie du lac, s'avança de nouveau dans les terres pendant l'espace de 7 ou 8 milles. Le docteur, un peu fâché d'abord de cette direction, ne pensa plus à s'en plaindre quand il aperçut la ville de Kuka, la célèbre capitale du Bornou. Il put l'entrevoir un instant, ceinte de ses murailles d'argile blanche. Quelques mosquées assez grossières s'élevaient lourdement au-dessus de cette multitude de dés à jouer qui forment les maisons arabes. Dans les cours des maisons et sur les places publiques poussaient des palmiers et des arbres à caoutchouc, couronnés par un dôme de feuillage large de plus de 100 pieds. Joey fit observer que ces immenses parasols étaient en rapport avec l'ardeur des rayons solaires, et il en tira des conclusions fort aimables pour la Providence. Kuka se compose réellement de 2 villes distinctes, séparées par le Dendal, large boulevard de 300 toises, alors encombré de piétons et de cavaliers. D'un côté se carre la ville riche avec ses cases hautes et aérées, de l'autre se presse la ville pauvre, triste assemblage de huttes basses et coniques, où végète une indigente population, car Kuka n'est ni commerçante ni industrielle. Kennedy lui trouva quelques ressemblances avec un Édimbourg qui s'étalerait dans une plaine, avec ses 2 villes parfaitement déterminées. Mais à peine les voyageurs purent-ils saisir ce coup d'œil, car avec la mobilité qui caractérise les courants de cette contrée, un vent contraire les saisit brusquement et les ramena pendant 40 milles sur le Tchad. Ce fut alors un nouveau spectacle. Il comptait compter les îles nombreuses du lac, habitées par les Bidioma, pirates sanguinaires très redoutés, et dont le voisinage est aussi craint que celui des Touaregs du Sahara. Ces sauvages se préparaient à recevoir courageusement le Victoria à coups de flèches et de pierres, mais celui-ci eut bientôt fait de dépasser ces îles, sur lesquelles il semblait papillonner comme un scarabée gigantesque. En ce moment, Joey regardait l'horizon et s'adressant à Kennedy, il lui dit « Ma foi, monsieur Dick, vous qui êtes toujours à rêver chasse, voilà justement votre affaire. Qu'est-ce donc, Joey? Et cette fois, mon maître ne s'opposera pas à vos coups de fusil. Mais qu'y a-t-il? Voyez-vous là-bas cette troupe de gros oiseaux qui se dirigent sur nous? Des oiseaux? Fit le docteur en saisissant sa lunette. Je les vois, répliqua Kennedy. Ils sont au moins 12. 14, si vous voulez bien, répondit Joey. Fasse le ciel qu'il soit d'une espèce assez malfaisante pour que le tendre Samuel n'ait rien à m'objecter. « Je n'aurai rien à dire, répondit Ferguson, mais j'aimerais mieux voir ces oiseaux-là loin de nous. »« Vous avez peur de ces volatiles, » fit Joey. « Ce sont des gypaètes, Joey, et de la plus grande taille, et s'ils nous attaquent ?»« Eh bien, nous nous défendrons, Samuel. Nous avons un arsenal pour les recevoir. »« Je ne pense pas que ces animaux-là soient bien redoutables. »« Qui sait ?» répondit le docteur. 10 minutes après, la troupe s'était approchée à portée de fusil. Ces 14 oiseaux faisaient retentir l'air de leurs cris rauques. Ils s'avançaient vers le Victoria, plus irrités qu'effrayés de sa présence. « Comme ils crient !» fit Joey. « Quel tapage !»« Cela ne leur convient probablement pas qu'on empiète sur leur domaine et que l'on se permette de voler comme eux. »« À la vérité, » dit le chasseur, « ils ont un air assez terrible, et je les croirais assez redoutables s'ils étaient armés d'une carabine de peur d'amour. » « Ils n'en ont pas besoin, » répondit Ferguson, qui devenait très sérieux. Les gypaètes volaient en traçant d'immenses cercles, et leurs orbes se rétrécissaient peu à peu autour du Victoria. Ils rayaient le ciel dans une fantastique rapidité, se précipitant parfois avec la vitesse d'un boulet, et brisant leur ligne de projection par un angle brusque et hardi. Le docteur, inquiet, résolut de s'élever dans l'atmosphère pour échapper à ce dangereux voisinage. Il dilata l'hydrogène du ballon qui ne tarda pas à monter. Mais les gypaètes montèrent avec lui, peu disposés à l'abandonner. « Ils ont l'air de nous en vouloir, » dit le chasseur en armant sa carabine. En effet, ces oiseaux s'approchaient, et plus d'un, arrivant à 50 pieds à peine, semblait braver les armes de Kennedy. « J'ai une furieuse envie de tirer dessus, » dit celui-ci. « Non, Dick, non pas. Ne les rendons pas furieux sans raison. Ce serait les exciter à nous attaquer. » Mais j'en viendrai facilement à bout. Tu te trompes, Dick. Nous avons une balle pour chacun d'eux. Et s'ils s'élancent vers la partie supérieure du ballon, comment les atteindras-tu? Figure-toi donc que tu te trouves en présence d'une troupe de lions sur terre, ou de requins en plein océan. Pour des aéronautes, la situation est aussi dangereuse. Parles-tu sérieusement, Samuel ? Très sérieusement, Dick. Attendons alors. Attends. Tiens-toi prêt en cas d'attaque, mais ne fais pas feu sans mon ordre. Les oiseaux se massaient alors à une faible distance. On distinguait parfaitement leurs gorges pelées tendues sous l'effort de leurs cris, leurs crêtes cartilagineuses, garnies de papilles violettes, qui se dressaient avec fureur. Ils étaient de la plus forte taille. Leur corps dépassait 3 pieds en longueur. Et le dessous de leurs ailes blanches resplendissait au soleil. On eût dit des requins ailés avec lesquels ils avaient une formidable ressemblance. « Ils nous suivent !» dit le docteur en les voyant s'élever avec lui. « Et nous aurions beau monter, leur vol les porterait plus haut que nous encore. »« Eh bien, que faire ?» demanda Kennedy. Le docteur ne répondit pas. « Écoute, Samuel, » reprit le chasseur. « Ces oiseaux sont 14. Nous avons 17 coups à notre disposition. » « En faisant feu de toutes nos armes. N'y a-t-il pas moyen de les détruire ou de les disperser ? Je me charge d'un certain nombre d'entre eux. »« Je ne doute pas de ton adresse, Dick. Je regarde volontiers comme mort ceux qui passeront devant ta carabine, mais je te le répète. Pour peu qu'ils s'attaquent à l'hémisphère supérieur du ballon, tu ne pourras plus les voir. Ils crèveront cette enveloppe qui nous soutient et nous sommes à 3 000 pieds de hauteur. » En cet instant, l'un des plus farouches oiseaux piqua droit sur le Victoria, le bec et les serres ouvertes, prêt à mordre, prêt à déchirer. « Feu, feu !» s'écria le docteur. Il avait à peine achevé que l'oiseau, frappé à mort, tombait en tournoyant dans l'espace. Kennedy avait saisi l'un des fusils à 2 coups, Joey épaulait l'autre. Effrayés de la détonation, les gypaètes s'écartèrent un instant, mais ils revinrent presque aussitôt à la charge avec une rage extrême. Kennedy, d'une première balle, coupa net le cou du plus rapproché. Joey fracassa l'aile de l'autre. « Plus que 11, » dit-il. Mais alors les oiseaux changèrent de tactique, et d'un commun accord, ils s'élevèrent au-dessus du Victoria. Kennedy regarda Ferguson. Malgré son énergie et son impassibilité, celui-ci devint pâle. Il y eut un moment de silence effrayant, puis un déchirement strident se fit entendre, comme celui de la soie qu'on arrache, et la nacelle manqua sous les pieds des 3 voyageurs. « Nous sommes perdus !» s'écria Ferguson en portant les yeux sur le baromètre qui montait avec rapidité. Puis il ajouta « Dehors, le lest, dehors !» En quelques secondes, tous les fragments de quartz avaient disparu. « Nous tombons toujours. Videz les caisses à eau. Joey, entends-tu ? Nous sommes précipités dans le lac !» Joey obéit. Le docteur se pencha. Le lac semblait venir à lui comme une marée montante. Les objets grossissaient à vue d'œil. La nacelle n'était pas à 200 pieds de la surface du Tchad. « Les provisions ! Les provisions !» s'écria le docteur, et la caisse qui les renfermait fut jetée dans l'espace. La chute devint moins rapide, mais les malheureux tombaient toujours. « Jetez, jetez encore !» s'écria une dernière fois le docteur. « Il n'y a plus rien, » dit Kennedy. « Si !» répondit laconiquement Joey en se signant d'une main rapide. Et il disparut par-dessus le bord de la nacelle. « Joey ! Joey !» fit le docteur terrifié. Mais Joey ne pouvait plus l'entendre. Le Victoria délesté reprenait sa marche ascensionnelle, remontait à 1 000 pieds dans les airs, et le vent s'engouffrant dans l'enveloppe dégonflée l'entraînait vers les côtes septentrionales du lac. « Perdu !» dit le chasseur avec un geste de désespoir. « Perdu pour nous sauver !» répondit Ferguson. Et ces hommes, si intrépides, sentirent de grosses larmes couler de leurs yeux. Ils se penchèrent, en cherchant à distinguer quelques traces du malheureux Joey, mais ils étaient déjà loin. « Quel parti prendre ?» demanda Kennedy. « Descendre à terre, dès que ce sera possible, Dick, et puis attendre. » Après une marche de 60 000, le Victoria s'abattit sur une côte déserte au nord du lac. Les ancres s'accrochèrent dans un arbre peu élevé, et le chasseur les assujettit fortement. La nuit vint, mais ni Ferguson ni Kennedy ne purent trouver un instant de sommeil.